إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نوت الحمد لله يعني ورمسي الله سبحانه وتعالى كي ما فهمي يعني الحمد لله d'être arrivé jusqu'ici je suis très loin de la maison là mais quand même الحمد لله ça me fait plaisir de vous rencontrer et puis يعني donc j'ai décidé en fait de venir mais j'avais pas préparé j'avais pas eu le temps de préparer quelque chose en chemin toutefois j'ai acheté quand j'étais en Angleterre un petit livre Cheikh Saleh Al-Fawzan, puis il est très bénéfique, puis il est court, en fait c'est basé sur une conférence qu'il a donnée, et puis donc je pense que, Inch'Allah, si on s'assoit ensemble, puis qu'on lit quelques passages de ce livre-là, ça va être quelque chose de bénéfique, et on va tous sortir avec quelque chose qui va nous profiter, Inch'Allah, bi'idhnillah, pour la compréhension de notre religion. Cheikh, il commence, et il dit, الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لقد كان العالم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في ظلام دامس كانوا في جهالة جهلاء وضلالة عمياء اليهودية والنصرانية قد دخلها التحريف والوثنية وتبديل وتغيير دين النبيين الكريمين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام ولم يبقى من المستقيمين منهم إلا قلائل من أهل الكتاب انقرضوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم donc le cheikh il commence يعني disant الحمد لله لوجه الله لسيناد ديمونت et paix et salut sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur yani, sa famille et ceux qui le suivent parmi ses compagnons et il dit ensuite yani, il parle de l'état des Arabes avant l'islam comment ils étaient avant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arrive donc il dit que le monde avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était dans les ténèbres dans l'obscurité totale et ils étaient dans l'ignorance perdus dans l'aveuglement Hein? Et qu'est-ce qui restait du peu de lumière qui restait à l'époque, c'était qu'est-ce qui restait de la religion de Moussa et la religion de Isa, al-Yahoudiya ou al-Nasraniya, mais elle avait été, disons, déjà, il y avait déjà eu un commencement de déviation et de déformation dans ces deux messages-là. Donc, ça veut dire que le message de base fondamental que ces deux prophètes avaient amené, le prophète Moussa et le prophète Isa, avait déjà été déformé à cette époque-là. Et donc, comme le cheikh l'explique, il dit, il ne restait que parmi ceux qui ont été vraiment bien guidés et qui suivaient la droiture de ces deux messages-là, de ces deux prophètes-là, que peu d'entre les gens du livre. Et donc, on sait que bon, leur livre a été déformé, mais à la base, leur message c'était l'islam. Le message de Moussa, alayhi salam, c'était l'islam, C'est-à-dire qu'on ne doit pas adorer personne excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'humanité, eh ben, c'est batil. Ça doit être rejeté. Hein? Et la même chose pour le message d'Isa alayhi salam. C'était ça le message qu'il a amené à l'humanité à Bani Israël. La même chose, c'était que Allah seul doit être adoré, hein, et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala doit être rejeté parce que c'est faux et parce que ça ne mérite pas d'être adoré. La ilaha illallah. Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et donc, yani, ces deux messages de ces deux religions-là avaient été transformés et déformés par la suite. D'accord? Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive. Cheikh, il continue et il dit: وكان العرب ايضا من أسوأ الناس وضعا فكانوا متفرقين من الناحية السياسية فليس لهم قيادة تجمعهم وإنما يحكمها الحكم القبلي وكل قبيلة لها رئيس ولها كيان كانوا يتناحرون فيما بينهم يغير بعضهم على بعض ويستحل بعضهم دماء بعض وأموالهم في غارات وثارات وقتال وسلب ونهب لأنهم ليس لهم أو ليس لهم جماعة تجمعهم ولا إمام يلم شعثهم وكانوا من الناحية الاقتصادية من أفقر الأمم كانوا يعيشون على الرعي رعي الإبل والأغنام وتصيبهم سنين الجذب وتتلف أموالهم وتتلف أموالهم ويتفرق ويفتقرون ويفتقرون. نعم. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit que les Arabes, à cette époque, ils étaient parmi les gens qui avaient yani, la plus mauvaise situation parmi tous les hommes de cette époque. Ils étaient, sur le plan politique, totalement divisés. Ils n'avaient pas un seul dirigeant qui les dirigeait tous. C'est-à-dire, qu'est-ce qui les dirigeait à l'époque? C'était le système tribal. Chaque tribu avait son chef, hein, et ils se combattaient tous les uns les autres. Okay? Chaque tribu rendait licite le sang de l'autre tribu, ou bien rendait licite les biens de l'autre tribu. Et il y avait entre eux des guerres et des combats et des disputes. Parce qu'ils n'avaient pas une seule jama'a qui les unissait. Ils n'avaient pas un imam ou un guide ou un chef qui les réunissait. Et sur le plan économique, ils étaient parmi les plus pauvres, parmi les, toutes les nations de la terre. Ils se basaient pour les questions économiques sur les troupeaux de chameaux et les troupeaux de moutons qu'ils possédaient, et les chèvres, etc. وكانوا من ناحية الحلال والحرام لا يميزون بين حلال وحرام وإنما يتمشون على العوائد فكانوا يستحلون الميتات ويأكلون كما يقول أحدهم ما هب ودرج من الحيوانات والحشرات وكل ما درج على وجه الأرض ولا يعرفون حلالا ولا حراما ولا طيبا ولا خبيثا هكذا كانوا من الناحية الاقتصادية. يعني الشيخ يقول en ce qui concerne le halal et le haram, il ne faisait aucune distinction entre ce qui est halal et ce qui est haram. Et il mangeait, et il marchait selon les traditions à ce sujet-là. Tout ce qu'il trouvait parmi les bêtes mortes, ou les choses, les bêtes qui avaient été tuées, il les prenait, il les mangeait, il ne faisait pas attention à savoir est-ce que c'est halal ou haram. Tout ce qui marchait sur la terre, soit des bêtes ou des animaux, des insectes, n'importe quoi, un peu comme dans certaines cultures aujourd'hui, tout ce qui a quatre pattes, il le mange. Bien, c'est un peu de cette façon-là qu'ils étaient à cette époque-là. Donc le cheikh, il dit, il ne connaissait rien en ce qui concerne le halal et le haram, le bien et le mauvais, le bon et le mauvais, ils ne faisaient aucune distinction. Et c'est comme ça qu'ils étaient sur le plan économique. وَمِنَ النَّاحِيَةِ الْعَائِلِيَّةِ كَانُوا يَظْلِمُونَ النِّسَاءِ وَيَتَزَوَّجُونَهُمْ بِالْإِكْرَاهِ وَيَعْضِلُونَ الْمُولِيَاتِ وَيَتَحَكَّمُونَ فِيهِنَّ وَيَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْعَدَلَ الْكَثِيرُ مِنَ النِّسَاءِ ولا يعدل بينهن فكانوا يحرمونهن من الميراث ويقولون الميراث لا يكون إلا لمن ركب الخيل وحمل السلاح فيحرمون النساء والصبيان من الميراث. الشيخ دي en ce qui concerne l'aspect familial de la vie de ces gens à cette époque avant l'islam, ils faisaient de l'injustice envers les femmes. Ils se mariaient avec les femmes en les contraignant, c'est-à-dire ils ne donnaient pas le choix à la femme de qui elle épouse. C'est-à-dire elle n'avait pas le choix, la fille. Si on lui donne quelqu'un à marier, elle est obligée de marier cette personne. Et ils empêchaient quelqu'un ou une femme d'épouser quelqu'un qui était bien pour elle, hein. Et c'est le wali qui avait une décision finale et absolue sur le choix du mariage de sa fille, etc. Et l'homme pouvait marier un nombre indéfini de femmes, hein, une dizaine, une vingtaine, même s'il était injuste entre elles, ça ne faisait aucune différence, hein. Il avait le droit de marier le nombre de femmes qu'il voulait. Et ils interdisaient à la femme de prendre l'héritage. Hein, ils disaient, l'héritage c'est seulement pour celui qui monte à cheval et qui porte une arme. Donc les femmes et les enfants n'avaient aucun droit chez eux à l'héritage. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. Donc le cheikh il dit, ils avaient peur d'avoir des enfants, ils avaient peur d'avoir un grand nombre d'enfants, ils avaient peur de la pauvreté, hein, et du besoin, et ils tuaient leurs enfants par crainte de la pauvreté, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 151 dans sourate Al-An'am: et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté ou de famine. Et dans un autre verset, la même chose, dans Sourate Al-Isra, le verset 31. Donc le cheikh il explique, il dit: wal imlaq huwa al-faqr, fa kanu yaqtulunahum khashyat al-faqr, wa kanu yaqtulun al-banat sharra qatla aw sharra qitla, li'annahum yaz'umuna annahunna ya'tina bil'ar 'ala ahlihin. فيدفنونهن تحت التراب وهن حيات فرارا من العار، كما قال الله جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أو على هون. Donc le chef il explique, il dit que l'imlaq c'est la pauvreté. Donc ils tuaient leurs enfants par crainte de la pauvreté. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, hein, qui vivent un peu dans cette même situation-là. Si tu regardes, ils ont peur d'avoir des enfants parce qu'ils disent que ça amène la pauvreté. Hein. Et quand tu dis à quelqu'un, hein, par exemple, moi j'ai un ami à Montréal, il a 8 enfants. Hein, quand je dis à quelqu'un, j'ai mon ami qui a 8 enfants, il dit: oh, le pauvre, comment il fait pour s'occuper de tous ces enfants-là? La vie est chère de nos jours, hein. Ça, c'est les commentaires que les gens disent. Malgré que, si on regarde toutes les facilités que la société canadienne donne aux familles pour les inciter à avoir des enfants, chaque famille reçoit une somme de $200 par mois, par exemple, pour chaque enfant qu'ils ont. En plus, à chaque 3 mois, ils leur donnent $500 de plus. Hein, ça fait beaucoup d'argent malgré ça. Parce que pourquoi? Parce que les gens là-bas veulent pas avoir des enfants. Ils ont 1 ou 2 maximum. Et plus que ça, ça devient un fardeau, hein. Ça veut dire, on n'a plus de vie par la suite, si on a plus que ça. Et malgré toutes ces subventions qu'ils donnent et tout pour inciter à avoir des enfants. Donc, il y en a qui prennent la pilule, il y en a qui prennent toutes sortes d'autres moyens, il y en a qui se font même enlever l'utérus au complet. Parmi les femmes, il y en a des hommes qui se font faire la vasectomie. Ils se font couper les trucs là, les câbles, hein. Il y en a d'autres qui se font faire des opérations, il y a toutes sortes de moyens pour essayer d'empêcher d'avoir des enfants, les stérilets, ces affaires là. Et même parmi les musulmans, il y en a qui font ça. Tu vois, des musulmans qui sont mariés depuis certains cas, ils ont juste deux enfants. Est-ce que c'est juste parce que c'est le qadar, ou bien c'est parce que ils ont essayé d'empêcher la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'est-ce que Allah a voulu, yani. Allahu a'lam. Donc, le cheikh, il dit, non seulement ça, yani, qu'est-ce qu'il faisait? Il tuait les filles. Il les tuait d'une façon terrible, atroce. Il les enterrait vivantes. Il croyait que le fait d'avoir une fille, ça amenait la honte à la famille. Parce qu'il savait que il pouvait arriver toutes sortes de trucs, ils imaginaient toutes sortes de choses au sujet des filles, que si elle se fait enlever par une autre tribu, elle va amener la honte à la tribu et à la famille. Et donc, quand ils avaient une fille, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les enterraient vivantes sous la terre. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le but de s'enfuir de la honte. Et il y a un verset dans le Coran qui mentionne cet exemple-là. Dans Sourate An-Nahl, le verset 58 et 59, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et lorsqu'on l'annonce, on annonce à un d'entre eux qu'il a une fille, son visage devient sombre, hein, et il s'en va se cacher, de son peuple, à cause de qu'est-ce qu'ils lui ont annoncé, hein, il croit que c'est quelque chose d'humiliant et de rabaissant d'avoir eu une fille. Yani, هل يبقيها حية على هون وظلة, il pense, il réfléchit, est-ce qu'il va la laisser vivre dans l'humiliation et dans l'humiliation, ou bien il va l'enterrer sur la terre. أم يدسه في التراب, ou bien il va la mettre dans la poussière ou dans la terre. يعني يدفنها حية وتموت تحت التراب. أنا ساء ما يحكمون. قال تعالى وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Comme ils jugent mal ces gens-là. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Takwir, le verset 8 et 9, et lorsque Al-Maw'ouda, c'est-à-dire la fille qui a été enterrée vivante dans la terre, elle va être ressuscitée au jugement dernier, puis on va demander pour quel péché a-t-elle été tuée, hein. والموؤودة من الشيخ الزي هي البنت التي تدفن وهي حية فتموت تحت التراب يفعلون ذلك أو هذا فرارا من العار بزعمهم. Donc الموؤودة c'est la fille qui est enterrée vivante. Imaginez qu'on vous enterre vivant, hein, que vous n'êtes pas encore mort, mais on vous met dans la terre, puis on vous met la terre sur vous, et vous mourrez en dessous de la terre. Mais ça doit être atroce comme mort, hein. Et donc c'est ce qu'ils faisaient à leur fille. Vous voyez le degré d'ignorance des hommes lorsqu'ils sont loin de la lumière et de la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant aujourd'hui, dans certains pays, on interdit d'avoir plus qu'un enfant par famille. Et donc qu'est-ce qui se retrouve dans les pensionnats, dans les orphelinats, ou bien même, on ne sait pas, peut-être qu'ils ont le même sort que les jeunes filles dans la jahiliya, hein. Eh ben, c'est ce qui arrive. Les filles se retrouvent dans ces endroits-là. Et puis c'est les garçons que ces gens-là veulent. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a encore des choses comme ça qui se produisent parfois. Malgré qu'on est dans une époque soi-disant moderne, comme les gens prétendent. وَفَرِيقٌ مِنْهُمْ يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ تَقَرُّبًا إِلَى الْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ. Ça c'est encore pire. قال تعالى وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. Ça c'est encore pire que l'exemple encore qu'on a mentionné tout à l'heure. Ça c'est le verset 137 dans Surat Al-An'am. Le Cheikh il dit que parmi eux, parmi les mouchriquins, il y en a une catégorie qui tuait leurs enfants pour se rapprocher de leurs idoles et de leurs fausses divinités. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et voici comment leurs associés, ceux qu'ils associent à Allah parmi leurs idoles, ont embelli pour beaucoup d'entre les mouchriquins le meurtre de leurs propres enfants, hein, et pour qu'ils les trompent dans leur religion. قال تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. Le verset 140 dans Sourate Al-An'am. Le Cheikh il dit, certes ils ont perdu, hein, ils ont perdu ceux qui ont tué leurs propres enfants sans connaissance et stupidement et bêtement. Ils ont interdit ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme subsistance en inventant un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala. وكانوا في الدين من أسوأ الأديان كانوا يعبدون آلهة متعددة يعبدون الله جل وعلا بأنواع من العبادات ولكن يشركون معه غيره من المعبودات كثيرة منهم من يعبد الأحجار والأشجار والشمس والقمر والملائكة والأولياء والصالحين قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله لشيخ الزي et ils étaient sur la pire des religions ou une parmi les pires des religions. Ils adoraient toutes sortes de fausses divinités, faux dieux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils adoraient Allah aussi. Il y en a qui pensent que les mouchriquins n'adoraient pas du tout Allah. Non, ils adoraient aussi Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf qu'ils associaient d'autres divinités avec Allah dans leur adoration. Ou ils prenaient des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils se disaient, on ne peut pas passer directement à Allah, on n'est pas assez pur. Il faut passer par une roche ou une pierre ou un intermédiaire qu'ils ont inventé, qu'ils ont mis sous forme d'un idole, ou bien par un saint, un wali, ou bien un salih, un rajulun salih, un homme pieux. Ou un prophète, ou un ange. Hein? Donc, comme le cheikh explique, ils ont pris plusieurs autres formes plusieurs objets d'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, ils adorent Allah et ils adorent avec Allah beaucoup d'autres idoles, les statues, toutes sortes d'autres choses comme des pierres, des arbres, le soleil, la lune, les anges, les awliya. Hein? Les salihins, les hommes qui sont pieux, ils prennent ces êtres-là et puis ils les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on retrouve ça même dans les pays musulmans aujourd'hui. Là tu vas dans certains pays musulmans, tu trouves dans chaque village, une tabr. Hein? Les gens ils s'en vont voir le wali, ils s'en vont toucher la tombe, caresser la tombe, demander des vœux. Ils donnent ils mettent un petit peu d'argent dans la boîte. Après ils font un vœu pour le wali, hein? Ou bien ils vont faire le tawaf, ou bien ils vont égorger un animal pour le wali, pour avoir une bonne récolte, ou pour avoir permettre que le wali leur permette d'avoir un enfant, ou quelque chose de ce genre. Yani. Ou si quelqu'un est malade, il a une maladie incurable, il pense que peut-être le wali peut faire quelque chose là-dedans. Donc ils associent avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils commettent le shirk en faisant des choses pareilles. Le shaykh il dit, fahoum, يعبدونهم في زعمهم أنهم يشفعون لهم عند الله في قضاء حوائجهم ويتوسطون بهم عند الله في قضاء حوائجهم وهذه حالتهم الدينية وحالتهم السياسية وحالتهم الاقتصادية وحالتهم الأسرية فكان العالم يغط في ظلام دامس. Le chef il dit que ils adoraient donc ces statues ou ces idoles ou ces autres créatures en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala en croyant que ce sont des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah il dit dans le verset 18 dans Surat Yunus, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Et ils disent, ceux-là sont nos intermédiaires ou nos intercesseurs. Hein, auprès d'Allah. Donc le cheikh il dit, voilà leur façon d'adorer, hein, et c'est une façon qui est contraire à la voie des prophètes, contraire à la vérité. Hein. Donc il demande à ces êtres-là, en dehors d'Allah, de leur régler leurs problèmes. Ils les prennent comme intermédiaires entre eux et Allah pour régler ce qu'ils ont comme besoin. Et ça c'était leur état religieux, et on a parlé de leur état politique, on a parlé de leur état économique, et on a parlé de leur état familial également. Donc on voit que ça c'est l'état chez les Arabes à l'époque, avant l'islam, avant le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mais c'était également l'état de ces les autres peuples en dehors des Arabes aussi qui avaient des situations similaires. Donc, le cheikh ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il parle maintenant de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى العالمين يدعوهم إلى الله عز وجل وأنزل عليه القرآن وأنزل عليه السنة فقام يدعو إلى الله وحيدا في عالم متلاطم وتدرج في الدعوة صلى الله عليه وسلم وكان يسلم من الناس الأفراد حتى تكون حوله جماعة قليلة ثم زادوا ولكنهم يلاقون من المشركين في مكة أشد الاضطهاد ولكن النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه صبروا على أذى الكفار وتحملوا وكانوا يتزايدون ويزيد ضغط الكفار عليهم ويريدون أن يصدوا عن سبيل الله ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. شيخ الزين. Puis Allah سبحانه وتعالى a fait susciter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme un messager pour les mondes. Il les appelle à Allah سبحانه وتعالى et il leur a révélé, il lui a révélé, Allah سبحانه وتعالى a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran et également il lui a fait descendre sur lui la Sunna. Donc il s'est mis à appeler les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, dans un monde rempli d'égarements et d'ignorance. Donc ça veut dire qu'à cette époque, c'était lui seul qui appelait à l'islam. Il était tout seul à dire « La ilaha illallah », personne avec lui. Mais il est allé, et par, yani, étape par étape, il a commencé à appeler les hommes à l'islam. Et il commençait par appeler des individus. Donc, au début, il a commencé à avoir un petit groupe parmi les gens qui ont commencé à croire en son message et à le suivre. Et ce groupe a commencé à augmenter de plus en plus. Mais ils ont commencé également à subir toutes sortes de difficultés de la part des mouchriquins. Et plus ils augmentaient, plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui étaient avec lui devenaient nombreux, et bien plus les traitements difficiles des mouchriquins également devenaient de plus en plus durs. Mais ils étaient patients et endurants. Ils faisaient preuve de patience devant le traitement mauvais des mouchriquins et des koufars. Et ils enduraient et ils supportaient. Et ils continuaient à augmenter. Et la pression des koufars sur eux continuait également à augmenter. Et ils essayaient de bloquer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, comme il dit dans Surah At-Tawbah, le verset 32, mais Allah ne fera que faire accomplir sa lumière et la faire répandre partout, même si cela déplaît aux mushrikines et aux kafiroun, comme dans ce verset-là, même si ça leur déplaît, que la vérité soit répandue et que la vérité soit partout. Ça déplaît aux koufars. Malgré que ça leur déplaît, Allah subhanahu wa ta'ala va faire compléter sa lumière et la faire répandre partout. Hein? Même si eux, ils sont contre ça. Parce que personne ne peut s'opposer à la vérité. Cheikh, il dit ensuite, « وفي النهاية هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة إلى إخوانهم الأنصار في المدينة فتكونت للإسلام دولة عظيمة من المهاجرين والأنصار وكثر المسلمون فصاروا يهددون الكفار في ديارهم وفي منازلهم فغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش الإسلام غزوات كثيرة وسرايا حتى أظهر الله هذا الدين وانتهى الأمر بفتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا وحالت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بالأمر من بعده خلفاؤه الراشدون فنشروا هذا الدين في المشارق والمغارب بالدعوة إلى الله وبالجهاد وامتدت دعوة الإسلام على المشارق والمغارب دخل الناس في دين الله أفواجا. الشيخ يزي على فين البروفيت صلى الله عليه وسلم على السويت عفل هجرة lui-même ainsi que ses sahaba sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti où? Il est parti à Al-Madina, parce qu'il y avait un groupe parmi les gens là-bas à Al-Madina qui ont cru en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi les Ansar. Donc à partir de ce moment-là, l'islam a eu un pays ou un état, hein, et avec les Muhajirin et les Ansar, ils se sont multipliés, les musulmans sont devenus de plus en plus nombreux, et ils sont devenus, à partir de ce moment-là, une menace pour les kuffars. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la suite, il a entrepris beaucoup de campagnes, hein, contre les mouchriquins et les kuffars, et l'armée de l'islam a établi beaucoup de batailles contre eux, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala établisse sa religion. Et à la fin, il a réussi à faire la conquête de Mecca. Et il est rentré à Mecca, et les gens sont rentrés en troupe, hein, en groupe dans l'islam à partir de ce moment-là. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam meure. Alors, qui a pris la charge de propager l'islam par la suite? C'est le Khulafa, Khulafa Rashidun. Ils ont eux aussi continué à propager l'islam dans l'Est et dans l'Ouest, en faisant le da'wah et avec le djihad. Et la da'wah de l'islam s'est répandue partout, en Orient et en Occident. Et les gens sont rentrés dans l'islam en groupe. الشيخ الذي ضرب الله لذلك مثلا بقوله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Le Sheikh, il dit, Allah a donné un exemple de ça quand il a mentionné dans le verset en Surat Al-Fath, le verset 9. C'est le dernier verset en Surat Al-Fath. Allah il dit, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec eux, ceux qui sont avec lui, sont durs envers les kuffars et miséricordieux entre eux. Tu les vois en recours et en sujoud, hein, ils sont inclinés et prosternés, ils recherchent la grâce de leur Seigneur et son agrément. Et tu vois sur leur front le signe de la prosternation. Et voilà leur exemple qu'on donne dans la Torah, et la même chose aussi, l'exemple qu'on donne d'eux dans l'Injil, c'est comme une plante qui pousse et qui se tient fermement sur sa tige et qui devient de plus en plus ferme, hein, et ça, ça éblouit les cultivateurs. Le Cheikh dit « وَالزَّرْعْ هُوَ مَنْ يَنْبُتُ ضَعِيفًا قَصْبَةً وَاحِدًا ثُمَّ هَذِهِ تَكْبُرْ ثم يتكون حولها فراخ كثيرة ثم تثمر. هذا مثال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كزرع أخرج شطأه أي فراخه فآزره يعني قواه فاستغلظ أي قوي فاستوى على سوقه ارتفع على سوقه على قصده وتكامل يعجب الزراع أن يغيظ بهم الكفار الذي يغتاظ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر بدليل قوله ليغيظ بهم الكفار وقد غاض الله بهم الكفار ولا يزال الكفار في غيظ من الإسلام ومن أهله. الشيخ explique ici que l'exemple que Allah سبحانه وتعالى il donne dans ce verset là, c'est comme par exemple une pousse qui sort de la terre, hein, au début elle sort, c'est une seule tige, puis après, à partir de cette tige, il commence à y avoir plein d'autres branches qui sortent, puis il y a plein de ramifications qui se créent, puis elle devient de plus en plus grande et plus en plus nombreuse, elle a de plus en plus de branches. Donc ça c'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses sahaba qui se sont réunis autour de lui et que l'islam devient de plus en plus fort parce que la plante elle grandit puis son tronc devient de plus en plus solide, sa tige devient de plus en plus ferme et les ramifications deviennent de plus en plus nombreuses. Donc ça c'est la comparaison de l'islam quand elle est partie au tout début, puis comment elle a augmenté, devenue de plus en plus forte, et elle s'élève. Et donc ça c'est cet exemple-là que Allah subhanahu wa ta'ala donne au sujet de cette situation-là. Et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il y a rire bihim al-kuffar, c'est-à-dire que ça enrage, ça remplit le cœur des kuffars de colère lorsqu'ils entendent ça. Ils détestent de voir que les gens qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala sont forts et ont de la force, yani ça les enrage. Et donc c'est pour ça que souvent les ulama ils se basent sur ce verset-là pour montrer que quiconque déteste les sahaba, déteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les sahaba, mais c'est pas des croyants, c'est pas des musulmans, même s'ils se disent musulmans. Et même l'imam Malik ibn Anas, imam Dar al-Hijra, il utilisait même ce verset-là pour dire que les rafidahs, chiites rafidahs, qui détestent les sahaba, qui insultent les mères des croyants, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme Aïcha et Hafsa et les autres, ils disent que ce sont des prostituées. Les chiites rafidahs disent que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des prostituées. Et ils traitent les sahaba comme Abu Bakr et Omar de kuffar. Donc, et les autres également, ils disent qu'ils ont tous quitté l'islam après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Ils disent parce qu'ils ont pris la place d'Ali ibn Abi Talib. Donc à cause de ça, ils disent que tous les sahabas sont devenus kuffars après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté 4 ou 5. Et les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils les insultent et ils les traitent, comme on a dit, de prostituées. Donc ça c'est, les ulama ils ont dit, toute personne qui déteste les sahabas, ils rentrent dans la description de ce verset-là. لِيَرِيْضَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. Donc celui qui a la rage et la haine contre les sahaba, il rentre dans cette description-là, il fait partie des kuffars. Et le cheikh il dit donc que c'est ça, jusqu'à aujourd'hui c'est la même situation, tu vois que les kuffars sont enragés contre l'islam et les musulmans. Le cheikh il dit, فَلَمَّا رَأَى الْكُفَّارِ, quand on réfléchit en fait, on réfléchit bien comme il faut, pourquoi ils nous détestent? On ne comprend pas. Parce qu'en fait, on les appelle à tout ce qu'il y a de bien et tout ce qu'il y a de meilleur. Inna hadha al-Qur'an yahdi lil-lati hiya aqwam. Yahdi lil-lati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minin. Ce Qur'an, il amène à tout ce qu'il y a de meilleur dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la morale, du comportement, de la croyance, de la façon d'agir avec les gens, dans tous les aspects de la vie, que ce soit même dans la politique ou les autres aspects de la vie, l'économie. Donc, est-ce qu'il y a une raison de détester cette religion? Se détestent les croyants parce qu'ils appellent les gens à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils interdisent d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils interdisent le bien, de garder les liens de parenté, qu'ils interdisent le zina, qu'ils interdisent l'alcool, qui interdisent tout ce qui est mauvais pour les gens, le porc et les autres turpitudes, les autres péchés. C'est pour ça que vous nous détestez. Vous nous détestez parce qu'on croit à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit clairement que si ils étaient vraiment sérieux et sincères et qu'ils regardaient au fond de leur cœur, ils n'auraient pas trouvé de raison valable pour détester les croyants. Le cheikh dit, فلما رأى الكفار لما رأى الكفار قوة الإسلام وانتصاراته وظهوره أخذوا يدسون الدسائس على المسلمين فظهرت دسيسة النفاق وهي إعلان الإسلام ظاهرا وإبطال الكفر لأجل المكر والكيد للمسلمين فظهر المنافقون لما قوي الإسلام وصاروا يكيدون للإسلام وصاروا يستغلون الفرص من أجل النيل من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. الشيخ يقول: lorsque les kuffars ont vu que l'islam devient de plus en plus fort, et que l'islam commence à avoir de plus en plus de victoires, et que l'islam devient de plus en plus apparent, ils ont commencé à utiliser des ruses contre les musulmans. Et c'est là qu'on a vu apparaître l'hypocrisie, al-nifaq. Et qu'est-ce que c'est al-nifaq? Beaucoup de musulmans aujourd'hui ne comprennent pas ce que ça veut dire al-nifaq. C'est al-nifaq, c'est que tu dis que tu es musulman, en apparence, tu fais la salat, tu fais la zakat, tu fais le hajj, tu fais le somme, hein, même tu fais le jihad, tu fais tout ce que les musulmans font, puis au fond de ton cœur tu ne crois pas en l'islam, tu ne crois pas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu ne crois pas au Coran. Pour toi tout ça c'est du mensonge, sauf que tu te fais paraître ou tu te fais passer pour un musulman. Et des fois les musulmans ils comprennent pas, parce que le nifaq, c'est pas une, il y a différentes catégories de nifaq. Les ulama ils l'ont distingué en deux catégories, le nifaq al-akbar ou le nifaq al-asghar. Le nifaq fi l'amal ou le nifaq fi al-qalb, yani fi l'aqida. L'hypocrisie majeure et l'hypocrisie mineure. Il y en a qui mélangent entre ces deux formes-là. Donc, ils pensent que, des fois ils voient quelqu'un par exemple, un musulman qui fait des péchés, ah, anta munafiq. Tu vois, un musulman qui fait des péchés, ah, c'est un hypocrite. C'est pas ça le nifaq. Ça, c'est le nifaq dans les actions. C'est un nifaq qui est mineur. Mais ça ne fait pas sortir quelqu'un de la foi. Il est toujours musulman. Sauf qu'il a fait un péché. Hein. Il doit se repentir, faire tauba, bien sûr. Mais tu ne peux pas dire qu'il est en dehors de l'islam parce qu'il a fait ce péché-là. Le vrai munafiq, c'est qui? Celui qui fait, même s'il ne fait pas de péché, il pratique l'islam normal. Sauf que dans son cas, il déteste l'islam et les musulmans. Il déteste la charia. Il déteste l'islam. Même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il fait toutes les actions des obligations de l'islam. Mais il cache sa mécréance parce qu'il a un intérêt à protéger. Il se dit, si je dis à ma famille que je ne crois pas en l'islam, ils vont me bannir. Ils ne vont pas m'accepter. Je ne pourrai pas me marier. Je ne pourrai pas travailler. Je ne pourrai pas faire ci. Je ne pourrai pas faire ça. Donc, ils disent, moi je crois pas en l'islam, mais je veux pas le montrer aux autres. Hein? Donc ça c'est le vrai munafiq. C'est pas celui qui est musulman qui fait des péchés, tout le monde fait des péchés. Hein? Donc ça c'est un point qui est important à comprendre, la distinction entre al-kufr al-amali wa al-kufr al-i'tiqadi. Non. Et le cheikh il dit, là il parle des vrais munafiqin, ceux qui sont ceux qui disent qu'ils croient en l'islam mais qui ne croient pas en l'islam, parce qu'eux ils rentrent dans l'islam pour essayer de détruire l'islam de l'intérieur et de diviser les musulmans. Ok? Donc ils ont inventé cette ruse-là, et c'est lorsque l'islam est devenu puissant et fort, c'est à ce moment-là que les munafiqins sont apparus. Parce qu'à Mecca, quand les musulmans se faisaient torturer, se faisaient battre et insulter, Il n'y avait pas de munafiqin, il n'y avait pas d'hypocrite, il n'y avait pas de raison non plus d'en avoir. Parce que qui voudrait faire partie de quelque chose qui est faible, hein, et que tous les gens qui croient en cette religion-là se font torturer ou humilier? Personne ne veut faire partie du groupe ou de l'équipe perdante. Tout le monde veut faire partie de l'équipe gagnante. Hein. Quand l'équipe est perdante, personne ne veut se joindre à elle. Et quand l'équipe est gagnante, même ceux qui n'en font pas partie, ils veulent en faire partie. Donc c'est là qu'il y a beaucoup de munafiqin, lorsque l'équipe gagne. Donc c'est ça ce qui se passait. Et donc, beaucoup de gens vont commencer à rentrer dans l'islam par hypocrisie, dans le but de faire des ruses contre les musulmans et contre l'islam. Et donc ils utilisaient ces opportunités-là pour essayer d'atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba. كما ذكر الله ذلك عنهم في آيات في القرآن في سورة براءة وفي غيرها، فخابوا وخسروا وانتصر الإسلام وكشف الله سرائرهم وفضح ضمائرهم وأعلن نياتهم، فلم يصبحوا خفيين على الناس. Le Cheikh il dit que Allah a parlé des munafiqins dans plusieurs versets dans le Coran, comme dans la sourate Bara'a, il y en a beaucoup d'autres. Il y a même une sourate dans le Coran uniquement sur les munafiqs. Le titre c'est Al-Munafiqoun. C'est un exemple. Mais il y a beaucoup d'autres, même dans Surat Nisa, et dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala les parle d'eux et décrit leurs caractéristiques et leurs attributs. Ils sont venus donc et ils ont essayé de faire leur ruse et leur complot contre les musulmans et contre l'islam, mais ils ont tous échoué, ils ont perdu. Et l'islam a eu la victoire quand même. Et Allah subhanahu wa ta'ala a démasqué ce qu'ils cachaient et ce qu'ils avaient dans le cœur. Et il les a, comme on dit, fadaha. Il a fait apparaître devant tout le monde la laideur de ce qu'ils cachaient dans leur cœur. Et il a fait connaître et apparaître leurs intentions qu'ils cachaient. Et donc, ils étaient plus cachés. Les gens ont su tout de suite qui ils étaient par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. أراد اليهود أن يدسوا على الإسلام دسيسة أخرى فأسلم وأظهر رجل يقال له عبد الله بن سبأ اليهودي فأرسلوه إلى المسلمين في المدينة فجعل هذا اليهودي الخبيث يطعن في خلافة عثمان رضي الله عنه ويجتمع حوله بعض الشباب وبعض الأوباش صار ينتقل من بلد إلى بلد وإذا فطن له هرب إلى بلد أخرى إذا فطن له هرب إلى بلد آخر فاجتمع حوله من أوباش الناس ومن الطمغة والجهال جاءوا وحاصروا عثمان رضي الله عنه فقتلوه في بيته يظنون أنهم بذلك يقضون على الإسلام فقتلوا عثمان رضي الله عنه مظلوما شهيدا فقام بالأمر من بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الخليفة الرابع فلم يزالون على شرهم إن دسوا بين المسلمين صاروا يوقدون الفتن فظهرت فرقة الخوارج كفروا عليا رضي الله عنه وكفروا أكابر الصحابة وقتلوا عليا رضي الله عنه وقتلوا الزبير بن العوام وقتلوا طلحة بن عبيد الله وقتلوا من الصحابة من قتلوا أولئك هم الخوارج نجموا عن فتنة عبد الله بن سبا اليهودي الخبيث ولكن لم يضر الإسلام والحمد لله لشيخ الزي كي يعجو في cette époque là il s'appelait عبد الله بن سبا من اليمن. Il a été envoyé vers les musulmans à Médine. Et ce juif-là s'est fait paraître pour un musulman, s'est fait passer pour un musulman. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à répandre toutes sortes de mensonges et des accusations contre Othman ibn Affan, radiallahu anhu. En fait, c'est lui le vrai fondateur des Shia. Mais en même temps, il a amené ou il a innové quelque chose dans l'islam. Du fait qu'il a commencé à appeler les gens à critiquer Othman ibn Affan, celui qui était le khalifa, le dirigeant à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu à Médine. Il a commencé à attaquer et à parler contre Othman et à inventer des mensonges contre lui. Il y a des gens qui se sont réunis autour de lui, autour de Abdullah ibn Saba. Ensuite, il a commencé à se promener d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre. Chaque fois qu'on remarquait qu'est-ce qu'il faisait, il s'en allait vers une autre ville, s'enfuir. Mais il a réussi à réunir un groupe parmi des ignorants, et il les a incités jusqu'à ce qu'ils se réunissent et qu'ils s'en aillent tous vers Médine. Ils ont encerclé la maison d'Othman ibn Affan, et puis ils ont tué Othman, radiallahu anhu, Zunnourayn, celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné deux de ses filles en mariage. Dunnourayn, celui que les anges sont gênés de lui. Donc, radiallahu anhu, il est mort d'une façon injuste et il est mort martyr, shahid. Et après lui, il y a eu Ali ibn Abi Talib qui a pris le khilafa, c'est le quatrième khalifa. Mais ils ont continué encore, Abdullah ibn Saba et ceux qui l'ont suivi, ils ont continué à répandre leur venin parmi la Oumma et à faire la fitna partout. Et c'est là qu'est apparu le groupe des Khawarij. Donc on peut dire en même temps que non seulement Abdullah ibn Sabah est à la base des Shia, mais aussi en plus à la base de la fitna des Khawarij, ceux qui ont appelé les musulmans à se révolter contre le dirigeant et à considérer celui qui fait des péchés comme étant un kafir. Donc le cheikh il dit qu'ils ont déclaré kuffar Ali, ils ont dit Ali c'est un kafir, et ils l'ont tué. Ils ont déclaré plusieurs parmi les grands sahaba comme étant des kuffar. Ils ont tué Ali, ils ont tué Zubayr ibn al-Awam, un des grands parmi les sahaba. Ils ont dit c'est un kafir, on va le tuer. Et ils tuaient les sahaba dans le but de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils croyaient que c'était un bien qu'ils faisaient en tuant les sahaba. Imaginez, à quel point ils étaient dans l'ignorance, ces gens-là. Ils ont tué qui encore? Talha ibn Ubaidillah. Et qui d'autre encore? Beaucoup d'autres. Ils en ont tué plein parmi les sahaba. Et ceux-là sont qui? Sont les Khawarij. Ils sont sortis de la fitna d'Abdullah ibn Sabah qui était un juif, comme on a dit tout à l'heure. Mais, comme le cheikh il dit, ils n'ont pas réussi. Ils croyaient qu'ils allaient détruire l'islam en faisant ça. Mais ils n'ont pas réussi à tuer ou à détruire l'islam. Walhamdulillah. Le cheikh il dit, وَتَأَمَّرَ الْخَوَارِجْ عَلَى قَتْلِ عَلِيٍّ رضي الله عنه وقتلوه وبعدما قتلهم ودحر شوكتهم في وقعة النهروان فإنه قتل منهم مقتلة عظيمة ذلك مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من ظهورهم وأن الله جل وعلا يسلط عليهم المسلمين وقتلهم شر قتله ودحر شوكتهم عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أينما لقيتموهم فاقتلوهم وقوله صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم أو لأقتلنهم قتل عاد فقتلوه وظنوا أنهم بذلك يقضون على الدين والإسلام ويفرقون المسلمين ولكنهم والحمد لله خابوا وخسروا الإسلام ما زال في عز لشيخ الذكر. Par la suite, les Khawarij, ils ont tué Ali, mais ça c'est uniquement après que Ali les ait combattus et qu'il ait réussi à les écraser et à les éliminer. À cette époque-là, lorsqu'ils sont apparus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé qu'ils allaient sortir, ce groupe-là. Il avait annoncé leur apparition. Et lorsqu'ils sont sortis, Ali ibn Abi Talib les a combattus, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, n'importe où vous les trouvez, combattez-les. Ça c'est dans un hadith qui est rapporté par Muslim dans son Sahih, et il y a beaucoup d'autres hadiths qui parlent des Khawarij, qui les décrit. Donc il a dit aussi dans un autre hadith, il nous dit, si je les avais rencontrés, je les aurais combattus, je les aurais tués comme le peuple de Ad. Donc il les a combattus, les Khawarij. Et ils ont cru, parce que eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Khawarij? Ils ont envoyé un parmi eux pour aller tuer Ali durant la nuit. Et ils l'ont tué lorsqu'il était en chemin, il marchait vers la mosquée. Et ils sont venus et ils l'ont tué durant la nuit. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça, c'est un exemple parmi les exemples. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait à des sahaba comme lui. Il a al al-amr ila Muawiyah radiyallahu anhu faqad al-muslimina qiyadatan hukmiyah wajtama' al-nasu hawlahu wa sadda al-tariq ala haula fasummiya 'am tanazul al-hasan ibn Ali radiyallahu anhu bi'am al-jama'ah ijtima' al-muslimin wa quwwat al-muslimin. فلم يفلح هؤلاء الخوارج ومن وراءهم من أعداء الدين ولكن فتنة الخوارج لا تزال تتوقد فترة بعد أخرى لأن أعداء الإسلام يوقدونها في كل وقت. الخوارج c'est pas juste une secte. Il y a des gens qui pensent que les Khawarij c'est une secte qui est apparue à l'époque des Sahaba et que, ou après les Sahaba, ou durant la période de Ali ibn Abi Talib et de Uthman, et qu'ils ne vont plus venir par la suite. Mais ça, c'est incorrect. Les Khawarij, c'est un groupe ou une secte qui apparaît de temps à autre à travers l'histoire de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils allaient toujours être à des différents moments, ils allaient apparaître, jusqu'à ce que les derniers d'entre eux vont combattre avec le Dajjal. Ils vont être dans les rangs du Dajjal. Donc ça, c'est pour vous dire qu'il y aura toujours des groupes parmi les Khawarij. Et le premier d'entre eux, c'est celui qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il distribuait les butins. Et il a dit au prophète, Ya Muhammad, i'dil, fa'innaka lan ta'dil. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, oh messager d'Allah, sois juste, parce que tu n'as pas été juste. Imaginez, un homme qui dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sois juste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, et si moi je ne suis pas juste, qui d'autre sera juste? Et il a dit, de cet homme va sortir, parce qu'ils l'ont décrit les sahaba. Ils ont dit, c'est un homme avec, il avait une grande barbe, le crâne rasé. Il avait un front proéminent avec une marque de prosternation très profonde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de cet homme, il va sortir des gens. Si vous comparez la lecture des sahaba à la lecture de ces gens-là, vous allez dire la lecture des sahaba n'est rien. Ils vont mépriser, les sahaba vont mépriser leur adoration à l'adoration des khawarij, tellement ces gens-là sont extrémistes dans l'adoration. Ils prient plus que les sahaba, ils lisent plus le Coran que les sahaba, ils jeûnent plus que les sahaba, ils sont extrémistes dans l'adoration. ولكن يقرؤون القرآن لا تتجاوز حناجرهم. Ils lisent le Coran sans aucune compréhension, ça ne dépasse pas leur gorge. Ça ne rentre pas dans leur cœur parce qu'ils n'ont pas de compréhension, ils n'ont pas d'ilm. Et comment ils pourraient avoir du ilm, ils n'ont pas étudié avec les sahaba. Ils ont dit que les sahaba sont des koufars, et ils pensent qu'ils comprennent mieux le Coran et la sunna que les sahaba. Donc comment ils pourraient avoir une compréhension de la sunna et du Coran? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti au sujet de ces gens-là. Et ce n'était pas juste à cette époque-là, jusqu'aujourd'hui il y a encore ces gens-là. Ils pensent qu'ils comprennent mieux l'islam que les ulama. Et ils pensent que les ulama ne comprennent rien de l'islam. Et tu les vois comme ça, ils déclarent les gens, ah, ça c'est un kafir, lui c'est un kafir, lui c'est un kafir et tout. Avec ignorance, sans aucune connaissance. Et ça c'est la fitna. Donc ils ont continué, après Ali ibn Abi Talib a essayé de faire la fitna. Et Muawiyah, radiallahu anhu, il a réussi à réunir les gens, parce que Hassan ibn Ali, le fils d'Ali, il a abandonné sa place, il l'a laissé à Muawiyah, pour réunir les musulmans, il a accepté, il a dit, voici, je laisse ma place à Muawiyah, pour réunir les musulmans. Et donc c'est ça ce qui est arrivé, on a appelé cette année-là, Amul Jama'a, l'année de la réunion, ou de l'unité, parce que tous les musulmans ont réussi à se réunir à partir de ce moment-là. Donc, les Khawarij ont dit, ah ça y est, on n'a pas réussi encore à détruire ces gens-là, à écraser cette religion. Mais ils n'ont pas abandonné non plus, ils ont continué encore à essayer de faire la fitna de plus en plus à travers l'histoire. Le cheikh dit, فاليهود والنصارى والكفار يستغلون الشباب المسلمين الذين فيهم الحماس وفيهم الغيرة فيوقدون فيهم هذه الغيرة وهذا الحماس حتى يخرجوا إلى الغلو والتطرف ويصبحوا حربة في نحور آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم المسلمين. Les juifs et les chrétiens et les kuffars, ils essaient de profiter et d'utiliser les jeunes parmi les musulmans aujourd'hui qui ont cette émotion, ces sentiments-là, cette émotion. Ils veulent défendre l'islam, mais sans aucune connaissance parfois, juste avec des sentiments et des émotions. Donc les koufars, ils provoquent des fois chez les jeunes musulmans cette excitation-là, et ils essaient de les provoquer dans leur jalousie et dans leur sens de l'honneur pour vouloir défendre l'islam, et ils les poussent vers l'extrémisme et l'exagération dans la religion, à cause de l'ignorance. Et donc ils deviennent une arme contre les musulmans, les enfants de l'islam, les enfants dans les pays musulmans qui grandissent dans l'ignorance deviennent des ennemis des musulmans. Comment ça? Tuer les musulmans au nom de l'islam, faire sauter des bombes, exploser des centres d'intérêt, tuer des innocents au nom de l'islam. Et ils pensent qu'ils font quelque chose de bien, ils pensent que ça c'est le djihad. Ils vont faire exploser des bombes chez les koufars, chez les musulmans. Et ils pensent que ça, ça fait partie de l'islam. Ça, c'est l'exemple, encore une fois, de ces groupes extrémistes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait parlé dans sa hadith. Et il a dit, ce sont des khawarij. Le cheikh dit, wa min dhalika ma nushahiduhu al-an min hadhihi al-fi'ati al-dhalla allati kharajat 'ala al-muslimina tufajjiru al-mabani وتقتل وتحسد الأرواح من المسلمين والمعاهدين وتتلف الأموال وتروع الآمنين. وهذا امتداد لتاريخ الخوارج، ومن ورائهم اليهود الذين أنبتوهم في الأول وسقوهم ودسوهم، هم الذين يحركونهم الآن بأيد خفية ومنظمات سرية يريدون بذلك الطعن في الإسلام والكيد للمسلمين، ولكن يأبى الله جل وعلا إلا أن يتم نوره. Le Cheikh il dit, et qu'est-ce qu'on témoigne aujourd'hui? Ça fait partie de ça, de ce groupe de gens égarés, ignorants, qui sortent contre les musulmans pour faire exploser les bâtiments et tuer les âmes des gens innocents parmi les musulmans et parmi les mu'ahadines, parmi les koufars avec qui on a des ententes de paix. Donc, ils terrorisent les citoyens, hein, et ça fait partie, c'est la suite de l'histoire de ces gens-là qu'on appelle les khawarij. Et qui sont derrière eux? Qui les pousse en arrière? Qui les pompe, hein, comme on dit chez nous, au Québec, hein, c'est qui allume leur feu, qui les allume, qui les excite? Derrière eux, il y a les Juifs, hein, qui les provoquent, et qui les utilisent contre les musulmans. C'est toujours comme ça, hein. Donc, tu vois, il y a beaucoup de jeunes comme ça, ils se laissent emporter facilement par des images qu'ils voient dans les nouvelles ou à la télé, des musulmans dans des pays musulmans qui se font torturer, qui se font tuer, qui se font bombarder, des femmes qui se font violer. Ça, c'est des images très touchantes, très émotives. Et des jeunes qui voient ça, qui savent plus quoi faire, qui savent pas quoi faire, qui n'ont pas d'ilm, qui n'ont pas de fiqh, ils ne retournent pas aux ulama de la Ummah. Même ils font plus confiance aux ulama, ils pensent qu'ils ne doivent plus leur faire confiance. Certains d'entre eux même vont jusqu'à dire que ce ne sont pas des musulmans. A'udhu billah. Et ça, tout ça, c'est de l'ignorance. Mais ils voient toute cette violence qui est faite aux musulmans et ils disent, il faut répondre par la violence également. Et donc, ils tombent dans l'extrémisme et dans l'égarement. Et ils font sauter des bombes, ils tuent des musulmans et des non-musulmans au nom de l'islam, dans l'égarement. Et tout derrière ça, c'est, comme on dit, les ennemis de l'islam qui en profitent. Parce que quand des musulmans font des choses de ce genre, ces gens-là, ils prennent ces actions-là que ces gens-là font et ils disent, voilà, maintenant on a la porte ouverte, on a une excuse pour les attaquer et pour nous défendre et pour les massacrer encore plus. Hein? Que ce soit les attentats qui sont faits aux États-Unis ou qui sont faits au Maroc, qui sont faits en Algérie, qui sont faits en Égypte, qui sont faits en Arabie Saoudite, qui sont faits en France, n'importe où. Eux, quand ils voient ça, même quand les attentats kamikazes qui se font dans les pays musulmans, ils voient ça, ils disent quoi? Ça y est, c'est des sauvages. Ils veulent salir l'image de l'islam devant tout le monde. Dire, voici les musulmans, c'est des gens qui pensent juste à tuer et qui veulent juste faire couler le sang. Et ils trouvent une justification dans tout ce que ces gens-là égarés font au nom de l'islam. Et peut-être que derrière eux, à la tête de ces groupes, il y a des doigts cachés parmi ces koufars, justement, peut-être que ce sont des juifs qui font ça, derrière eux, qui provoquent ces gens-là, qui les poussent. Et les gens, ils pensent que, ah oui, mashallah, ils font quelque chose de bien pour l'islam. Aouzoubillah. Ça n'a rien à voir avec l'islam, qu'est-ce que ces gens-là font. Donc le cheikh, Saleh al-Fawzan, il dit que ces gens-là, c'est un groupe d'égaré, de dévié. Il dit, « وهذه الفئة المخذولة ولله الحمد على مدار التاريخ ما نجحوا في قضية ولا انتصروا في معركة وإنما هم دائما ينخذلون ويذلون ويقضى على قوتهم على مدار التاريخ. » Et le Cheikh il a raison, il dit que ce groupe-là, ils ont toujours été perdants, humiliés. Walhamdulillah, à travers l'histoire, ils n'ont jamais réussi à rien faire, ils n'ont jamais rien établi, ils ont perdu dans toutes les batailles et dans tous les combats, et on le voit encore aujourd'hui, tous ces groupes qui se prétendent vouloir ramener l'islam en suivant autre chose que le Coran et la Sunna, ils n'ont jamais rien établi pour la Ummah de l'islam, et on voit jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont fait, hein. À travers l'histoire. Le Cheikh dit, وَلَا نَسْتَغْرِبُ مَا يَحْصُلُ الْآنِ إِذَا قَرَأْنَا التَّارِيخِ وَرَجَعْنَا إِلَىٰ أُصُولِ هَذِهِ الْفِئَةِ الضَّالَّةِ فَإِنَّهَا مِمْتَدَّةِ مِنْ سِلْسِلَةٍ قَدِيمَةٍ يُغْذِيهَا الْيَهُودِ وَمَنْ شَايَعَهُمْ مِنَ النَّصَارَ وَغَيْرِهِمْ لِيَقْضُوا بِهَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَلِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Donc le Cheikh dit, on ne doit pas être étonné quand on voit ce qui se passe actuellement dans le monde. Lorsqu'on retourne à la base et à l'origine de ce groupe dévié et égaré, on voit qu'en fait c'est une chaîne très vieille, très ancienne qui retourne dans ses sources et dans son origine, hein, à ce que les juifs ont ramené pour essayer de diviser et détruire les musulmans et salir l'image de l'islam, pour essayer de détruire l'islam et pour bloquer le chemin des hommes vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que les gens n'acceptent pas la religion d'Allah, pour qu'ils disent, ah, cette religion-là, c'est des gens qui tuent et qui font des choses atroces, et donc on ne veut pas accepter cette religion. Mais cette religion, elle est innocente de toutes ces formes de terrorisme qui est fait au nom de l'islam. Et ceux qui font ces actions-là, le devoir qu'ils ont, l'obligation qu'ils ont, s'ils croient que ce qu'ils font c'est correct, ils doivent faire tawba, doivent se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que s'ils meurent dans cet état sur ce péché-là, ils meurent sur une mauvaise fin. Ils meurent sur un parmi les plus grands péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans plusieurs hadiths, des menaces à celui qui fait couler une goutte de sang injustement. Alors eux, ils font couler des océans de sang. Donc ils doivent se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et purifier leur cœur et protéger l'image de l'islam et des musulmans dans les pays, donc on fait dans les pays musulmans également, hein. Et s'ils veulent revoir la grandeur et la fierté de l'islam, la seule manière d'arriver à ça, c'est pas en faisant sauter ou en tuant, non, c'est en premièrement apprenant notre religion, en étudiant cette religion comme il faut, pour aller la sunna, et en la mettant en application, et en la pratiquant dans nos vies, hein. Parce que si on ne fait pas, si on ne fait pas ça, il n'y a rien qui va changer. D'accord? Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, on va faire la salat, et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de la leçon qu'il y a eu dans les paroles du Cheikh Fawzan dans ce livre. On n'a pas fini, mais quand même, on a quand même pris le message et la base de ce qui est dans ce livre, et espérons qu'Allah subhanahu wa ta'ala le rend bénéfique pour tous, chacun d'entre nous. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وبارك الله فيكم.